Je m'en vais, je me porte bien mieux sans toi. Ton souvenir transperce mon sang-froid. J'ai envie de te croire quand tu pleures. Mais plus je te hais, moins le temps passe. Fracturer ta vie à présent n'est qu'une pensée. Mon âme est en guerre, j'aimerais quitter la tranchée. L'ombre de ton corps apparaît sur le plancher. Ton sourire et tes lèvres à mes yeux sont étrangers. J'écris notre histoire, je lis dans ta voix. J'ai peur qu'elle se heurte quand elle pense à moi. J'suis dans des sables mouvants, je regarde le ciel et je m'envole. La colère partage ma vie, plus je m'en veux, plus je suis mauvais. J'suis perdu, je suis seul dans le noir. Les battements de cœur sont violents. Elle s'enfuit et la haine prend place. Je ne t'apprécie pas vraiment. Sans toi je me sens libre. Sans toi je me sens vivre. Je fais face à l'immense nuit. Je demande pardon, elle m'a fait sauter dans la vie. Dans le blizzard et songe, j'aime quand le climat est sombre. Mon sabre est serti de pierre, l'esprit a fui la raison. On ne partage pas la même plume. T'es dans la lune, je suis sur Neptune. On dit qu'on s'aime, on ne s'aime plus. Tu m'as cherché, tu m'as perdu. Traverse ma douleur, c'est un brasier infernal. Elle n'a pas su me fuir dans mes bras, c'est enfermé. Tes mots sont éphémères, leur valeur éternelle. J'observe mon passé, je ne suis bon qu'à faire mal. Sans toi je me sens libre. Sans toi je me sens vivre. Je fais face à l'immense nuit. Je te demande pardon, elle m'a fait sauter dans.